Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur. Et alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire, gloire au Seigneur, alléluia, gloire, oh Seigneur, alléluia, gloire, gloire au Seigneur, alléluia. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, Maître de l'univers, propriétaire des cieux, de la terre, de la mer, des océans et de tout ce qu'il y a dedans, propriétaire originel de toutes choses, Père de gloire, Père de lumière, Père de miséricorde, Dieu parfait, Dieu souverain et incomparable. Amen. Amen. Toi, la fontaine d'eau vive. Toi, la source de vie éternelle. Amen. Toi, le bonheur de racheté. Toi, Dieu omniscient et omniprésent. L'adorable, le parfait et le véritable. Le refuge de racheté. La sécurité éternelle. Amen. Gloire et honneur te soient rendus pour l'éternité. Ici bas sur terre et partout dans les cieux. Même dans l'au-delà, que ton nom soit célébré, glorifié, Seigneur. Car tu es Dieu qui règne et domine partout. Le juge des vivants et des morts. C'est à toi que tous doivent la crainte. Et auprès de toi se trouve le pardon en abondance. Afin que les créatures apprennent à te craindre. Béni soit ton nom en ce lieu. Et envoie-nous la parole de vie. Qu'elle atteigne nos cœurs. Que nous puissions retrouver la communion perdue de l'Éden. Communion du temps du soir, alors que nous pensons à l'Église et à Dieu. Exauce-nous et bénis-nous, Seigneur. Conduis la réunion de ce soir. Et pardonne nos péchés, nos transgressions, nos faiblesses et nos fautes. Nous les amenons au flot du calvaire. Le sang d'Emmanuel, le sang parfait, le décorant de Dieu, pour être purifié, pour être pardonné, être absous par le Dieu parfait, être reçu par lui, recevoir la propitiation, l'expiation de nos péchés, la guérison divine, le changement de caractère, la condamnation du péché, et le retour au Dieu véritable. Chacun revient à toi, Seigneur. Conduis la prédication ce soir et prends la défense de ton troupeau et prends soin de chaque requête présentée par des cœurs croyants, ceux qui s'attendent à Dieu et qui renouvellent leur force. Que la puissance de l'ennemi soit éparpillée. Tu avais dit qu'ils viendront contre toi par un seul chemin. Mais ils s'enfuiront par ce chemin. Parce que la pression du Saint-Esprit les pousse dehors. Comme des astres errants en débandade. l'autorité du Seigneur règne dans l'église. Et que sa sainteté règne dans l'église. Ta souveraineté vienne parmi nous, Seigneur. Pour s'élever au-dessus de toute condamnation. De toute puissance négative. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Ok, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean au chapitre 16, le verset 7 à 11. Jean 16, verset 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Nde nazali koloba solo na bino. Nzambi ekoyesa bino litomba soko na kolongwa. Poete soko na longwete mosungi akoyela bino te. Kasi soko na kokenda na kotinda ye epai na bino. Ekoya ye akopamela bama okili, nantina na masumu, mpe nantina na boyenge bene, mpe nantina na kosandisama, nantina na masumu, nzambi na njiminga ite. Nantina na boyenge bene, nzambi na kokende ipai na tata, mpe bokomona lisusu nga ite, nantina na kosandisama, nzambi mukolo na mokili oyo, Matthieu chapitre 5 verset 6. Matthieu mon capo invitano longo yamotoba. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ma pamboli epai na bango bazali na posa na kolia mpe komela boyenge bene. Nzambi na kotonda. Matthieu chapitre 6 verset 31 à 33. Matthieu mokapo ya motoba mulongo ya tukumi tatu na moko kina tukumi tatu na misato. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens que le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Boye, bomi tungisate pona koloba ete tokolia nini, soko ete tokomela nini, soko ete tokolata nini, bapakano bakolukaka biloko ya ngonyoso. Nzambi tatana bino na likolo ayebi ete bozali na bosenga na yango nyonso. Bolukaka nde liboso bokonzi na Nzambe mpe boyengebene na ye mpe biloko oyo nyonso ekokabisama na bino. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la table du Seigneur. Bienvenue dans la maison de Dieu. Avant d'avancer, je dois vous annoncer le programme de demain. Ce sera un peu exceptionnel. Vous savez que notre bien-aimé frère Edouard Mukulumani Ferouzi est décédé. Là, à Glasgow, au Royaume-Uni, ça fait depuis le 20 octobre 2021. Alors, nous allons nous recueillir demain. Un peu comme lorsque notre sœur Elisabeth, qu'on appelait Maman Élise, était décédée à l'étranger. Nous avions dû organiser le recueillement à l'église même. Alors, dans le cas actuel, il y a à peu près 3 foyers de deuil dans la famille, ici localement, mais le deuil physique se tient là-bas, dans le lieu où le frère habitait. Donc une branche du côté de la famille paternelle se réunit où il se recueille à une adresse et une branche de la famille au côté maternel du frère se réunit aussi dans une adresse et puis une bonne partie, bon nombre de ce frère, de soeurs, se réunissent à une autre adresse encore. Ses frères et sœurs ont émis le vœu de voir l'église de frère Edouard tenir le service là-bas, là où on peut organiser le deuil. Et c'est Clément qui persiste. Mais nous avons perdu notre précieux frère. Mais le clivage qu'il y a n'est pas de nature à mettre l'église dans un clan. L'Église dit que ne faites rien par esprit de parti. Dans Philippiens, c'est dit cela, ne faites rien par esprit de parti. Esprit de clan. Nous chrétiens, nous ne pouvons pas nous montrer partisans. Si l'un de nous directement éprouvé dans la famille était d'un côté, nous allions peut-être suivre celui-là à cause de notre frère. Les ceux qui m'ont connu sont là que tous sont un peu en dehors de la foi. Si comment nous dans Philippiens 2 verset 3, il dit ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais ça il est comme côté na moli moana et kokabolato ya kembo ya pamba. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Kasi komiki kisa et moi ça m'a sous cette bazali ni kolona bino moko. Ici là nous faisons rien par esprit de parti. Ah on te dit que ça le comme côté na esprit de moko epoka. Esprit de clan. Le prophète William Branham a dit, n'ayez jamais au milieu de vous un esprit de clan. Alors, vous savez que dans Romains au chapitre 12, la parole nous a exhorté également à pleurer avec ceux qui pleurent et à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Dans Romains chapitre 12, au verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. N'est-ce pas vrai? Non, si ceux de la famille paternelle pleurent, nous avons le devoir chrétien de pleurer avec eux. Si ses frères et sœurs pleurent, nous avons également le devoir de pleurer avec eux. Si la famille maternelle pleure, nous avons aussi le devoir de pleurer avec eux. Alors, ce qui dégage que la position chrétienne serait que nous départageons, on ait un peu de délégation, les uns ici, les autres là-bas, parce que nous ne pourrons pas peut-être aller tous au même moment dans un même lieu de deuil. Donc, à des heures différentes, nous pouvons essayer de nous organiser un peu. Ceux qui veulent aller du côté maternel s'annoncent. Ceux qui veulent aller du côté maternel s'annoncent. Ceux qui veulent aller là où il y a les frères et sœurs. Mais entre temps, l'église aussi organise un recueillement demain, soir, à 16h à 20h ici. Donc, nous allons également adorer Dieu comme nous en avons le programme. Il y aura également une projection qui sera faite en mémoire de notre bien-aimé frère. Voilà. Donc, nous serons ici demain soir. L'enterrement aura lieu le vendredi. Par la grâce de Dieu. Donc, c'est là que nous pourrons constituer encore des délégations, les uns au nord, les autres au sud. Tous au nom du tabernacle chrétien. Vous, membres de l'église, quelle que soit votre église, vous représentez votre église. N'entendez pas que le pasteur vous confie des missions officielles. En tant que membre de l'église, vous vous retrouvez dans un coin, dans un lieu de deuil, dans le cadre de notre de deuil de notre frère, vous représenterez l'église. Voilà. Le vendredi soir, il y aura le culte normal. J'espère que c'est un peu clair par la grâce de Dieu. Alors, nos frères et sœurs de la famille Mbaï, nous sommes également concernés parce que c'est la sœur Justine Mbaï qui a perdu son mari. Nous communiquons dans ce sens-là, être ensemble. A dit dans l'Ecclésiaste au chapitre 7, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Vous recevez une invitation pour aller à la fête et que ça coïncide avec un programme de deuil. Nous chrétiens, nous devons préférer aller dans une maison de deuil. Ecclésiaste 7:1-2. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Les jours de la mort mieux que le jour de la naissance. En termes de valeur. Les jours de la mort vaut mieux que les jours de la naissance. Pourquoi les chrétiens ne célèbrent pas, ne fêtent pas leur anniversaire de naissance? S'il y avait quelque chose de plus valeureux pour lequel mieux méditer, mieux réfléchir, arrêter presque le temps et les programmes, c'est le jour de votre mort et pourtant vous ne serez plus là pour le faire, vous êtes déjà mort. Ce sont les autres qui vont le faire à votre place. Il fallait inviter les gens, organiser une commémoration. Vous devez le faire les jours de votre mort. Ça vaut mieux que les jours de votre naissance. Le jour de votre mort, vous-même, vous ne pourrez pas. La manière dont vous avez vécu avec les gens, qu'est-ce qui fera que les gens soient attirés, qu'ils soient là nombreux ou pas. Donc les jours de votre mort vaut mieux que les jours de votre naissance. Il dit amen. Mais nous nous perdons tout notre temps chaque année à donner beaucoup d'importance aux jours de notre naissance. Et nous oublions qu'un jour nous partirons, nous quitterons ici. Nous ne voulons pas faire des préparatifs pour l'au-delà, pour l'après ici. Nous ne demandons même pas les jours de ma mort, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quel témoignage pour laisser ma vie? On ne me questionne même pas. Où irai-je après cette échelle? On ne se soucie de rien. Nous sommes dans les loisirs, les distractions, les plaisirs même. Perdant les années, pensant faire joyeuse vie. C'est une vanité de vanité. Après avoir fait toutes ces distractions, toutes ces folies, nous irons dans une petite boîte, une petite caisse, un petit trou compté au bout des pas et des pieds. On verra juste un, deux, comme ça, et puis, un, et puis là, un, deux. Pour c'est votre taille, c'est fini. Et le petit trou va, il sera très noir, il sera noir là-bas quand la terre va tomber dessus. Il sera très chaud. Les boulons vous allez moins de tout. Vous n'aurez pas vous allez prendre ma case. Ce sera votre tombeau. Votre tombe. Fini toutes les folies auxquelles on s'est livré sous le soleil. Alors, les jours de votre mort vaut plus que les jours de votre naissance. En termes de valeur, de poids, de considération. Verset 2, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Nous disons Amen. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. La maison de deuil nous annonce, nous rappelle la mort. Et la mort, dit la Bible, est sur rendez-vous de tous les vivants. Et alors, c'est lui qui vit, prend la chose à cœur. Donc, il ne faut pas cracher sur le deuil. L'indifférence, l'insolence. Vous vous moquez. Vous n'êtes pas éternel ici-bas. Un jour, votre mort arrivera aussi. Il est donc important de faire des préparatifs. De chercher à plaire à Dieu. Notre Créateur. Car après ceci, une autre vie doit venir. Un autre monde se dresse devant nous. Voyez là, dans Ecclésiaste au chapitre 12. Il est écrit ici, à partir du verset 1, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Loisir, plaisir, mener joyeuse vie de consort. Mais à la fin de tout, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin. Et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont une vanité. Vous gonflez les épaules, vous bombez les torses parce que vous êtes jeune et que c'est vraiment. Mais la jeunesse, c'est la vanité. Il arrive souvent que nous commettions des actes insensés à cause de la jeunesse et des passions de la jeunesse. Vanité des vanités. On gonfle pour rien comme des petits crapauds. On ne donne plus d'importance jusqu'à devenir rebelle à ses parents. On ne veut écouter que son propre cœur, mais c'est la vanité des vanités. Craignez Dieu, c'est la meilleure des choses. Observez les commandements du Seigneur, c'est ce qu'il faut faire. Toi, jeune homme, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je ne prends point de plaisir. Avant qu'elle s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui mourent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue Ils savaient c'est le bruit de la mer. Où l'on s'élève au chant de l'oiseau. Où ça fait toutes les filles du chant. Ici, où l'on redoute ce qui est élevé. Ici, quand on a dit comment la pomme au nom c'est ton moine. Où l'on a des terreurs en chemin. Où la manière fleurit. Où la sauterelle devient puissante. Avant que ce temps arrive, souviens-toi de ton créateur. Ou même la sauterelle devient puissante. C'est-à-dire que tu peux te dire avec des doigts, mais deviendra une menace sur ton chemin. Un danger de terreur et de fuite. Infernal. Et où la capre n'a plus de fait. Non, c'est Zali à la terre. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache. Et que les vases d'or se brisent. Que les sons se rampent sur la source. Et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière ne retourne à la poussière. Souviens-toi de ton créateur. Amen. Avant que la poussière ne retourne à la poussière. Comme elle y était. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité de vanité. Qui l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Là, j'ai lu l'Ecclésiaste 12, verset 1 à 10. Est-ce que quelqu'un acquiert la sagesse en écoutant ceci? Sur la terre des humains, nous sommes passagers. Les choses qui paraissent élevées peuvent devenir demain un danger pour vous-même. Il y a un temps où ce qui est élevé sera redouté. Et le cordon d'argent se brisera. Même ceux qui avaient de l'impact, personne n'est plus loin. Vous aurez l'impression que le courroie et les liens de la vie se brisent, se cassent en désordre. Je essaye de tenir cette branche, mais il s'arrache. Il y a un temps marqué où ta vie doit prendre fait ici-bas. Tu pourras résister et lutter, mais sans plus succès. Car l'homme n'a pas de pouvoir sur les jours de sa mort. Toujours là, l'Ecclésiaste 12, verset 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Il doit le faire. Moi, mon frère congolais, malgré les conneries des congolais, attaque nous sommes dans le Congo. Ce sont les Congolais. Congo. Quel nom que nous avons eu. Les Congolais. Et nous sommes à l'aise dans les colis. Nous allons penser comme là. On ne se reproche pas, on rigole. Vous allez les Congolais. Ils sont des cons. Vous, chrétiens, vous devez naître de nouveau. Amen. Vous devez vous distinguer de ces conneries, hein. Amen. N'amenez surtout pas les conneries des Congolais dans l'église de Dieu, la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous devons venir avec tous les sérieux possibles. Il dit Amen. Amen. Et si vous devez croire, vous devez changer, car Dieu amènera tout œuvre en jugement. Et que comme même nous sommes nous. Oh, sujet de tout qui est caché. Oh, nous c'est bon, ben nous. Sois bien, sois mal. Et dans la matière, sois mal. Tout œuvre, c'est amené en jugement. Nous sommes nous. Que tu l'aies fait sous le soleil ou en cachette. Oh, sois l'amour, demande à vous. En pleine nuit, tous les soirs. Tout la porte. Dieu voit tout, il enregistre tout. Mon frère, ma soeur, craignons Dieu. Nous saurons à rendre compte devant lui un jour. Et que l'esprit de connerie ne vous fasse pas penser que oh, les ont toujours dit ça. Ne vous livrez pas aux conneries. Livrez-vous à la piété. Livrez-vous à la sainteté. Livrez-vous à la crainte de Dieu. Livrez-vous à la méditation de la parole. Tendons nos voix et que chacun se plaigne de ses propres péchés. Nous avons dit Amen. Dans Matthieu chapitre 5, nous avons dit nous avons pour terme le baptême du Saint-Esprit. Nous avons dit que nous avons pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Et nous avons trois buts. Premier but, déjà vu. Troisième but, c'est que nous sommes en train de voir depuis dimanche. Il y a un monde qui le monde. Pour la justice de la justice et du jugement. Au sujet du péché. Quand il y a le péché, vous devez vous en répartir. Amen. Le péché n'est pas votre camarade, votre ami, votre compagne. Ici dans l'Ecclésiaste, il est dit, chasse, éloigne les mal de ton corps. Que ton corps à toi se sépare à vaste distance du mal. Tout ce qui est mal, pas près de toi. Tout ce qui est mal, condamne ça. Tu dois haïr ça. C'est vrai. Ici, dans Romains 12, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. C'est à des chrétiens que l'esprit écrit ça. Et l'amour soit sans hypocrisie. Notre amour doit être le plus brillant, le plus sincère, le plus chaud possible. Et l'amour soit sans hypocrisie. Notre amour doit être ardent, chaud, sincère, bien méchant. Il ne doit pas être que dans mon théorique. Il doit être que dans la pratique. Dans les actes, les œuvres. Changer les actes, d'amour. Dans l'hypocrisie. C'est ce qui est conforme à ce que vous dites. En vous dites que vous avez l'amour. Changer les actes conformes à l'amour. Sans vous dire que vous avez l'amour. Vous savez que vous avez l'amour. C'est Amen. Et l'amour remettrait L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour qui est amour, l'amour qui est sincère, ne fait pas mal à l'autre. S'il ne fait pas lui faire mal et dire que je l'aime, l'amour ne fait point de mal à son prochain. Oui, frère, oui, ma soeur, oui, église, peuple de Dieu, l'amour ne fait point de mal à son prochain. Un homme qui aime sa femme ne fera pas de mal à sa femme. Un frère qui aime son pasteur ne fera pas du mal à son pasteur. Un pasteur qui aime ses brebis qui sont croyants ne fera pas du mal aux brebis. Un soeur qui aime sa soeur ne fera pas du mal à sa soeur. Une femme qui aime son mari ne fera pas du mal à son mari. Que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. C'est lui qui aime accomplit toute la loi. Il ne peut pas faire du mal. La loi interdit le mal. Je retourne ici dans Romains 12. La tentation peut venir. Les sollicitations démoniaques et sorcelleriques peuvent venir. Mais on a commencé par lire le verset 9 qui nous dit, et l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement bien. Mais qu'il y en a la femme. Il nous a dit d'éloigner le mal de notre corps. Et le moment c'est bon, ça nous a mappé. Bisoumou est la taïoté, bisoumou est simbaïoté, et on vous estime en soumouté. Yon a ma soumou, divorce. Séparation à des milliers de kilomètres. Amen. Amen. Ayez le mal en horreur. Amen. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Le verset 21, vous ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais si elle montre le mal par le bien. Moi, j'espère que la tentation soit forte. La sollicitation du mal soit très forte. Tu es tenté. Les circonstances semblent se contraindre à le faire. Tu es très fortement tenté. Et en tant que combattant de la foi chrétienne, tu es très fort à résister par le mal. Ne te laisse pas faire de oui, c'est possible, c'est faisable. Quand tu as ta foi en place, ce que nous disons là n'est que possible. On l'a répété dimanche, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Dans Jude, chapitre 1, il y a quel chapitre? Jude, chapitre 1er, versets 22 et 23. Reprenez les gens, ceux qui contestent. Si vous trouvez quelqu'un, on montre le mal, mais lui discute, il veut s'accrocher, ne perdez pas courage. Reprenez-les! Soyez catégoriques. Montrez-vous dire à son égard pour qu'il s'éveille devant la parole. Cette soeur-là, son frère-là, cet homme-là, cette femme-là, reprenez les gens. Ceux qui confessent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Mon idée qu'on a aussi qu'à Yokoyawa, c'est un babo lingo. A vos songaïs d'une manière ou d'une autre. Ça, là, c'est ce que tu fais pour aider ton frère. Amen. Bibi, tiens la moto. À chaque fois, il y a un peu de temps pour aller faire l'eau. Avant de vous dire qu'il y a un peu de tourment. Bibi, c'est écoula. Dis-moi ce que tu fais. Nao, il y a un peu de temps. Nous avons entendu dimanche que quand le Saint-Esprit vient prendre sa place dans le cœur, il produit la soif des âmes perdues. Vous chercherez à faire ce que vous pouvez. Vous pouvez sortir de là. Reprenez les gens, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Hein? Ils ont mis ça comme confusion. Ce sont des connes, vos frères, du bois qui est chauffé par le feu du mal. Il faut les sauver de là. Et c'est pas des jeunes des prisons arrachés au feu. Quand ils ont mis la moto, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Vous avez pitié, mais ayez la crainte de Dieu parce que Dieu est souverain. Il y a des gens qui voulaient bien aider, mais il y a un peu de réserve. Hein? Les choses qu'il se permet de voir, vous regardez, vous vous demandez, est-ce que cette personne a vraiment la crainte de Dieu? Mais quand on peut s'approcher jusqu'à vouloir blasphémer contre le Saint-Esprit, parce que la bouche est... Mais celui qui s'acharne à refuser votre secours, votre aide, laissez-les. Alors, il y a Mboka, comme je vais le dire, hein. Amen. Il bande pour les soins, ma frère, ma soeur, mais ça me l'a limité. Amen. Dieu qui connaît les profondeurs là. Ne ferait pas devenir plus miséricordieux que le Dieu miséricordieux. Ou être plus capable de faire un frère que Dieu n'est capable de le faire. Il a mis des limites dans sa parole. Mais si quelqu'un veut franchir les limites sans réserve, sans crainte, Il se permet tout, il dit n'importe quoi, laissez-les à Dieu. Il dit que chacun récoltera ce qu'il a semé. Quand tu sèmes le mal, c'est pas pour récolter le bonheur. Et si son mal est dirigé contre les intérêts du Seigneur, contre les intérêts du royaume de Dieu, contre les intérêts de la maison de Dieu, voyez vraiment, quel bonheur allez-vous hériter? Aucun. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Nous devons haïr même la tunique souillée par la chair. Et ceux qui se livrent au désir de la chair. Comme on dit, le Dieu de tout ce que mon cœur veut. Il adore le Dieu de tout ce que mon cœur veut. Tout ce que son cœur veut, c'est ce qu'il va faire. Non. La grâce de Dieu nous enseigne la piété. Marcher dans la crainte du Seigneur. À contrôler notre langage. Car celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nous devons tourner notre langue avant de parler. C'est bien péché des actions de nos mains, de nos pieds, des membres de notre corps. Mais écoutez, le verset 24, oh, c'est lui qui peut vous préserver de toutes chutes. Il y a quelqu'un qui est votre secours. Vous vivez sur la terre des humains, dans un monde des impurs. Dans un monde de pécheurs. Des infidèles et des athées. Mais il existe quelqu'un qui peut vous préserver des touchés. Si toi chrétien, tu ne tombes pas dans le péché, ne forme pas les torts, hein? Ne méprise pas ton semblable, hein? Jusqu'à lui faire mal au cœur, mais comprends que ce qui est arrivé dans ta vie, ce n'est que la grâce de Dieu. Il y a une main puissante plus forte que ta main. Il y a une main du sauveur qui secoue efficacement. Et c'est lui seul qui peut te préserver de tout ceci. Amen. Et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et sans allégresse. Verset 25, à Dieu seul. À Dieu comment? C'est Dieu seul qui peut faire ça. Pas l'homme seul. Nous toutes. L'arrogance qui bombe les torses. L'arrogance qui bombe les torses pour dévier les autres. Mépriser les autres. Ne voir rien. Non frère. C'est Dieu seul. Il peut vous préserver des torches. Amen. Et c'est Dieu seul. Qui peut vous faire paraître devant sa gloire irréprochable. Et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Nayenke mbompe monene mpe nguya mpe bokonzi liboso na ekeke mobimba mpe sasa ipi mpe libela na libela. Que la gloire revienne à Dieu seul. Kembo ezonga ipa ina. Lui qui peut préserver chacun de nous de toute chute. Ye o ya koki ko bate moko na moko na biso ete akwe ya te. Romains 14, verset 4. Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout. Car le Seigneur a le pouvoir de la servir. Elle ne nous laisse pas tomber en tentation. Mais délivre-nous du malheur. Délivre-nous du tout mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles. Le règne, la puissance, la force et la gloire. Amen. C'est Dieu seul qui peut nous préserver de tout ce qu'il a le pouvoir d'affermir les tiens. De les maintenir debout. Amen. Tu ne tomberas pas. Même si tu trébuches, hein, cette main-là t'empêchera de faire la porte de l'évangile. Pour la gloire de son nom que tu y vas. Par égard pour son propre nom. Il voudra donner gloire à son nom de Dieu. Il voudra partager les cieux la honte de son évangile. C'est lui qui dit amen encore. Dieu est fidèle. Même quand sorti dehors, la parole nous apprend que lui ne sommeille ni ne dort. Mais il fait jusqu'ailleurs. Il fait Il est ton gardien. Il est ton bouclier. Il est ta protection. Il est ton refuge. Il est ta force. Ton espérance. Ta gloire. Ta paix. Qui vient à la joie et son bonheur, ta sécurité. Amen. Il est tout pour ton âme. Il peut te préserver de tout ce chute. Et il a le pouvoir de t'affermir. Il y a des membres de ton corps qui sont faibles. Malades, paralytiques. Ou je ne sais quoi. Le Seigneur ton Dieu a le pouvoir d'affermir. De donner force à ces membres. Pour que les choses puissent se tirer vers le mal. Moi, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Non, ça. Et écoutez ce que dit Frère Branham ici. Dans les sermons, la profondeur appelle la profondeur. Prêché le samedi 9 août 1952. Et ami Namukolo Yasambo. Le paragraphe 15. Seigneur Jésus. Yes. Mot de prière. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront rassasiés. C'est un mot de prière. Hein? Et il le cite au Seigneur Jésus. La parole du Seigneur Jésus. Quand heureux ceux qui ont fait escorte de la justice. Car ils seront rassasiés. Et Matthieu 5, verset 6 que nous avons lu. Maintenant, comble les attentes et le désir de chaque cœur. Qui est ici. Maintenant, comble les attentes et le désir de chaque cœur qui est ici. Et ce que ce chrétien sur qui est invoqué ton nom, tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, ça semble le prix. Alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Nous sommes nés en plein dans les coleries, les parents qui sont cons, parce que c'est congolais, mais l'évangile peut nous distinguer. Toutes ces coleries peuvent s'éloigner de nous, car c'est du mal qui doit être chassé de notre corps. Le Saint-Esprit est venu pour ça faire. Il faut faire le gros évangile. Mais lui va changer les choses comment? Moi je ne vais rien changer. Je n'ai rien à changer. C'est la parole qui transforme les choses. La parole du Seigneur change tout. Voilà et tu verras si Dieu a raison ou non. Il a dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, rassemble et prie, alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Quelles que soient les maladies de ce pays-là, nous sommes frères chrétiens pour combattre les bons combats de la croix. Il n'y a pas de domaine interdit là-bas. Ce qui est interdit, c'est seulement le mal. Mais tout ce que la promesse de Dieu permet, tout ce que l'évangile permet, nous pouvons naviguer là-bas, explorer là-bas. C'est notre territoire. Territoire de la parole. De ce qui est permis. Il a dit qu'il était le seul de la terre. Mais si le seul a perdu sa saveur, il ne sera plus qu'être jeté dehors et coulé aux pieds par les hommes. Et maintenant, paix. Nous comprenons que le seul produit la saveur quand il entre en contact. Mais il doit y avoir un contact. Un ancrage. Un maintenant, que le Saint-Esprit qui a accordé la nouvelle naissance à chacun de ses enfants de Dieu, que le Saint-Esprit qui a accordé la nouvelle naissance à chacun de ses enfants de Dieu, puisse-t-il être salé ce soir par leur foi, que l'incroyant qui pourrait être assis ici dira: oh, oh, c'est ça! C'est réglé! Voilà le christianisme dans lequel je crois. Et qu'il l'accepte. Et que les malades soient guéris. Que les perdus soient sauvés. Et que le rétrograde soit ramené. Et que Dieu soit glorifié. Croyez-vous que Dieu écoute la prière? Si le prière assis, il va prendre la prière. Dieu est bon. Il faut se laisser conduire. Hier, je suis allé dans un salon de coiffure. Bon, je suis entré là. Ça commence à me coiffer coiffure. Après un moment, le propriétaire du salon est entré. Dès qu'on a terminé, on dit, Dieu est chili. Et on dit, pas grave, il est chili. Je tourne les yeux vers Dieu. Une scène passée devant Dieu. Le moni, c'est là comment il explique au sommeil. Alors quelque chose me dit de lui parler. Et là comment il explique dans la bédaille. Je dis, toi, yo, pourquoi tu n'aimes pas l'église? Pourquoi il y a une église en église? Parce que c'est bon. Oh, regarde ma face, c'est belle à la fin. Toi, yo, tu t'es créé toi-même? Non, mais quel est le mot? C'est pas la première fois que j'entre ici. Là, mais c'est besoin de contact. Mais quelque chose s'est passé. Et là, comment vous voulez? Je dois me parler. Est-ce qu'il y a le si, doit se répartir. Est-ce qu'il y a tout bien? Où t'es allé, mon pasteur, tout bien, non? Je vous comprends. Racontez les histoires. Dans la chambre de l'église de Noir, dans la chambre de Boubam, il nous commence à dire des choses. Mais n'est-ce pas le mot? Écoute, ce sont des voies légales. Et vous allez bien, vous allez à côté d'Angoua jusqu'à. Ne suis pas les loyers là. Parce que tu es là, tu étais né sur la terre force. Mais tu te rappelles un jour tu vas mourir, tu iras dans la tombe seul. Mais c'est quoi que tu disais, ben, il y a un coup pour que tu aies l'idée. Mais tu suis les loyers. Parce que tu sont en train de te tromper là. Tu brûleras seul en affaire. Mais au coup, c'est un peu. Oh non. Écoute, il y a un cas. D'ailleurs, nous avons une adresse. Je t'invite à l'église. Mais c'est quoi que tu dis là? C'est quoi que et puis sache que Dieu enregistre tout ce que nous disons ici. Il est bête en zambé à notre camp dans nos autres écoles. Oh non, tu es un sous-sous. Oui, écoute, tu as un peu de mal à mon âge. Oui, écoutez. Voici un peu de mon camp. Je sens que ça fait plus d'un mois. On a fait des instruments pour faire ce pas. C'est passé ici. Viens pour le démocratie. Il doit quitter les intrigues. Il doit soigner sa vie. Oh non, papa, pardon. Là, il vraiment n'a pas eu un problème. J'ai été catholique, j'ai servi là-bas, et les catholiques vraiment ils ont fait autour de l'époux. J'ai dit entre les mots catholiques et chrétiens, il n'y a pas de similitude. Comme moi, les catholiques, vous qui sont. Mon erreur, c'est de prendre les catholiques pour les modèles. Ma père est aussi catholique. Et puis les anglais de prendre les fautes des catholiques pour les imputer aux innocents chrétiens. Et puis on a dit qu'on soit débarrassé de ce catholique au cours de notre bambaïmo. Mais ma soeur a eu du cambote. Et pas de gagne. Où est le cambourino? Je parle. Allô. Ça, je lui dis, nous avons que ce dimanche. N'as-tu qu'on a visité tout à l'heure le temps pour qu'on a l'église. Où tu vas tirer au programme de l'église? Pas question. Et perfect. Il faut venir à l'église. Et c'est venir écouter la parole de Dieu. Oui, après, bah, c'est entre tes mains. Dieu t'a donné l'occasion. Tu ne vas pas nier ça. Nous sommes rencontrés. Ok. C'est comme ça, frère. Bon, bon, bon. Elle te boule là. Amen. Laissez cet âme à Dieu. Qui comme moi pas après, il a dit. Mais okay, lui. Je veux venir, mais même si j'étais 50 fois, je ne vais pas faire la vie de la vie. Parce que là, je suis en train de me faire la vie. Il faut donner l'occasion. Dieu n'appelle pas quelqu'un en jugement sans l'avoir d'abord avec lui. Dame, la femme de 50 fois, il faut qu'elle ait. Si toi, il y a un bétain dans la vie, tu es dans cette incrédulité, on m'a montré un scénario. Je ne peux pas quitter cette palette. C'est pas là. Si tu ne fais pas te répandre, tu verras toi-même ce que Dieu te fait. Ok. C'est comme ça. Bon, et puis on prend un prix ici. Voilà le christianisme dans lequel je crois. Que le Seigneur nous aide à être salés ce soir par notre foi. On voit que l'incroyant qui pourrait être assis là dit là, oh c'est ça. Et voilà le christianisme dans lequel je crois. Et que les malades soient guéris. Et que les perdus soient sauvés. Que les rétrogrades soient ramenés. Et que Dieu soit glorifié. Et lorsque nous partirons d'ici ce soir, puissions-nous être à mesure de dire, peut-être comme ceux qui revenaient de Maous, que ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Or tu avais marché avec eux durant toute la journée. Et tu les avais parlé. Et ils ne comprenaient pas que c'était toi. Mais lorsque tu es assis à la table, est-ce que tu as accompli quelque chose exactement tel que tu le faisais? Et ils ont reconnu que c'était toi. Et maintenant, Père, dès que nous lisons dans la Bible, la manière dont tu as fait les choses en ce temps-là, puis-tu venir et faire quelque chose ce soir de la même manière, afin que les gens reconnaissent que c'est toi. Et alors, lorsque nous rentrerons chez nous ce soir, nous aurons dans nos cœurs le même cantique. Ceux qui revenaient de Maous, nos cœurs brûlés au-dedans de nous. Ah, nous sommes de sa présence. Ah, car nous les demandons en son nom. Amen. Je crois que ces paroles de prière s'inspirent aussi la prière. Alors que vous êtes dans la prière, allez pas prier comme les gens du groupe de prière. Mais prier comme les disciples de la parole de la prière. Et profondeur. Pas en état de répétition. Mais en prononçant des paroles bien alignées. Les choses qui ont un sens. Pas en faisant des choses qui s'appellent. les pieds simplement dans l'église. Demandez des choses sensées et conformes à la parole. Crois-tu que Dieu fait agir sur base de ta prière? Exprimez l'Apocalypse chapitre 3. Le même Dieu de justice. Oh mes chers amis. Il a dit ceci au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Il est l'Amen. Il est ton Amen. Comme la moi j'ai na lingomba na la Odyssée. Et c'est Bobele bongo. Le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Motatoni na sembo mpe na solo ebandeli na bozalisi na Nzambe. Le témoin fidèle. Motatoni na bosembo. C'est le témoin véritable. Motatoni na solo. Il est l'auteur de la création de Dieu. Il est le principe de création de Dieu. Il est le principe qui crée tout de Dieu. En tant que tel, il est la parole manifeste. Il est la parole qui a la vie en elle-même. Il s'adresse à nous là, c'est la Odyssée. Vous et moi, les gens de cet âge ici, comme c'est là. Bon. Quelle est son identité? Sa présentation? Il est la main. Il est le témoin fidèle et véritable. Il est le principe ou l'auteur de la création de Dieu. Croyez-vous en lui? Écoutez maintenant. Parce qu'il est cela même dans notre âge ici. Donc on va ça là, il fait un commentaire dans l'exposé de cet âge de l'église. À la page 35, première année. Exposé de cet âge de l'église. De l'église de la Odyssée. Il est le témoin fidèle et véritable. Passons maintenant à ces mots de témoin. Eh bien, c'est de ces mots que nous vient celui de martyr. La Bible cite Étienne, Antipas, Antipas et d'autres comme des martyrs. Et ce sont des témoins. Paul a reconnu que Étienne était son témoin, Paolo, le témoin de Jésus-Christ. Plus tard, il dit même lorsque on lapidait Étienne, ton témoin, moi qui avais recueilli ses vêtements. Il est parlé d'Antipas, les témoins fidèles du Seigneur, parole du Seigneur lui-même dictée à Jean qui écrivait l'Apocalypse. Alors la Bible cite Étienne, Antipas et d'autres hommes de martyrs. Ils étaient des martyrs. Ils étaient aussi des témoins. Jésus a été un martyr fidèle. Hein? Parce qu'il est le témoin fidèle et véritable. Il a été un martyr fidèle. Le Saint-Esprit en a témoigné. Voilà. L'Esprit en rend témoignage. Le monde a haïssé Jésus. Il l'a tué. Mais Dieu l'a aimé. Et il est allé vers le Père. La preuve qu'il était allé vers le Père, c'est que le Saint-Esprit est venu. Le fait que le Saint-Esprit soit venu, c'est la preuve que Jésus était effectivement allé vers le Père. Il a dit dans Jean 16, verset 7, il vous est avantagé, je vous dis la vérité cependant, il vous est avantagé que je m'en aille. Alors qui prenait mon canal, il y a un mon capot et zombie, dans mon tombeau, mon ouvrier assemblé, et Zaline le tombeau mon aîné était là qu'aimé. Car si je ne m'en vais pas, on a sorti la qualité. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mon sungi, après, Mais si je m'en vais, pour ça, et pas il va. Mon père, n'a pas ça. Si je m'en vais, en d'autres termes, mon père, non, mais je vous l'enverrai. Maintenant, le fait que le Saint-Esprit soit venu, c'est la preuve que Jésus-Christ est effectivement allé au Père. Et c'est aussi la preuve qu'il est juste. Et sa parole est justice. Et sa parole est juste. Il la confirme toujours. À l'ancienne qui pourra, Dieu confirmera sa parole. Elle a toujours été juste. Elle sera toujours juste. Malomanaye est à la calumnée, est à la castembe, est côté calabre. On la comprend, on la comprend pas. Est-ce que son amour, est-ce que la parole est le juste? Milomanaye encore est à l'indécembe. Et le juste, va l'indécembe. Écoutez. D'accord. Dieu l'a aimé. Dans mon quartier. Et il est allé vers le Père. Oui, Jésus-Christ. La preuve qu'il est allé vers le Père, c'est que le Saint-Esprit est venu. Si le Père n'avait pas reçu Jésus, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Lisez-les dans Jean 16, versets 7 à 11, la tranche de passage biblique que nous avons lu ce soir encore. Il est cité là. Pendant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. La justice, parce que je vais au Père. Il convaincra le monde en ce qui concerne la justice, parce que lui, Christ, le Fils, doit aller au Père. C'est ça la justice. C'est là est juste, il devait aller au Père. Et c'est là est juste qu'en allant au Père, il nous envoie son consolateur. Et c'est là fait partie de la justice de Dieu que nous recevions en nous les consolateurs promis. Ah, Dieu fera-t-il justice à ses élus? C'est de la justice, c'est Dieu. Et ceux qui ont faim et soif de la justice. Quand ils seront rassasiés. La promesse n'est pas de David, la promesse est du Seigneur Jésus. Cherchez premièrement le royaume. La justice de Dieu. Premièrement, donnez la place, que cela ne vous empêche pas de chercher avant tout, écoute que coûte le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour convaincre les habitants du monde au sujet de la justice. Et c'est pour vous savoir si il n'y a pas qui peut être contre l'économie, c'est qu'il n'y a pas. Quand il est juste, Jésus doit retourner au Père. Et le consolateur doit revenir au foyer. Cela est juste, nous devons en être convaincus. Oh. Oui, oui, oui, oui. Il dit ça. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à cause de le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas à moi. La justice, parce que je vais son Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, on continue avec le commentaire. La présence du Saint-Esprit au lieu de Jésus dans ce monde prouve que Jésus était juste. Et qu'il est allé au Père. La présence du Saint-Esprit. Au lieu de Jésus. Nous n'avons pas à le voir physiquement. Ne demandez pas de le voir physiquement dans l'église. Nous le verrons dans les airs. Quand nous serons à l'aise, ça nous apportera la main. Dans la justice de l'évangile, il faut que Jésus s'en aille et que nous ne le voyons plus. Et que nous les disciples, nous sommes l'église, que nous n'avons pas à le voir physiquement. C'est ce Jésus. Il y a un comme dit le Brenham ailleurs, si on voit dans les sermons, Dieu confirme sa parole. Vous ne le verrez jamais dans son corps, Jésus. Jusqu'au moment où il descendra de sa gloire et qu'il vous enlèvera. Vous ne serez pas capable de le voir physiquement. Donc, la justice dont nous devons être convaincus. Jésus, le Fils de Dieu, s'en va au Père et nous ne les verrons plus. Si nous devons les voir, c'est sous forme du Saint-Esprit. Pas la forme physique. Pas la forme physique. Ne dites pas, j'ai vu une vision, mais quand c'est une vision, on parle de tes yeux ici, voir Jésus, moi-même, les mecs qui se promènent physiquement ici. Le Père va les voir. Vous direz, mais la Bible a dit, nous connaissons la Bible, nous connaissons la Bible. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Vous le verrez sous quelle forme? D'esprit. Dans les gars, il y a une autre côté. Il n'y a pas de contradiction. Physiquement, c'est pas les voix. Tu crois ça? Quand quelqu'un insiste, on vous dit, il est ici, il est là. Jésus a dit, ne suivez pas. La présence des célestes. Au lieu de Jésus. Il était le consolateur. Il est revenu en esprit. Sur la véritable église. Il est venu comment? Pas dans son corps physique. Mais en esprit. Sur la véritable église. Il est le témoin fidèle et véritable dans l'église. Mais un jour, il reviendra dans la chair. À ce moment-là, il prouvera qui est le seul souverain éclairé. Il prouvera à ce moment-là que le Père est dans la chair. Un jour, nous connaissons ça. C'est alors qu'il prouvera qui est le seul souverain éclairé. Ceci est dit, non, c'est lui Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Pourquoi ça? Pourquoi on dit qu'il va prouver qui est le seul souverain éclairé? Parce qu'il y a un type là qui Un type là qui est là-bas au Vatican. Et Zali là, vous pouvez vous aller connaître le Vatican. C'est un suspect. Zali, vous pouvez vous connaître. Il porte un titre honorifique de Dux Clarice. Zali, vous appelez ça comme vous parlez beaucoup de Dux Clarice. Et quand vous calculez dans vos amis, la valeur numérique, mais autant on a un mot, voyez, au moins de ce titre ici, n'a combien de mots B en chiffre romain, c'est 500. Les amis, vous avez ça ici. Donc, V c'est 5. Les amis, ça là ici. C'est 10. Oh les amis, zone. C'est là-bas, c'est 100. Oh les amis, mon kama. L, c'est 50. Et loin les amis, A n'a pas de valeur. R n'a pas de valeur. Ah, et là, on a tout à fait. C'est 1. S n'a pas de valeur. Et si on est allé, on a tout à fait. 500 plus 100 égale combien? Kama, mita, mon kama, mon kama, les amis. 600 plus 50 égale combien? 650 plus 10 égale combien? 660 plus 5 égale combien? 676 plus 1 égale combien? 666. C'est un type qui est là-bas au Vatican. Mon toit, non, je reconnais le Vatican. Il a son trône là-bas, il est un chef de l'État du Vatican. Oh, il y a des amis dans le coin de l'État, il y a des amis mon crozia. Vous connaissez comment on l'appelle dans le monde? Les souverains pontifes. Mon crozia, Penza, oui, Nicolo. Les souverains pontifes. Mon crozia. Et dans un autre titre, il se fait appeler le Vicarius Filii Dei. C'est-à-dire le vicaire du Fils de Dieu. En latin, Vicarius Filii Dei. Le vicaire ou le remplaçant du Fils de Dieu. C'est ce type-là. Il y a un chapeau mystique là-bas sur la terre. Le plus grand sorcier du monde entier. Donc, qui est mon nain, mon ne le répète jamais confiance. Moi, j'ai le même thème. C'est terrible, hein. Donc, qui est mon nain, avec beaucoup d'apparence et tout ça. D'apparence de sainteté. Pour tromper la vigilance. Pour n'avoir il s'est fait appeler le remplaçant du Fils de Dieu. Un des titres honorifiques. Mais quand vous prenez ce titre honorifique, vous tirez encore la valeur numérique, ça tombe à vos 666. Quand vous allez faire un combo, on a fait au Benzou Mitouya, et ici, Mitouya Mouana. Toujours et encore. Mais comment il peut se faire appeler le remplaçant du Fils de Dieu? Pendant que la prophétie de Daniel, il avait 70 semaines de Daniel, il avait été dit dans Daniel 9 là-bas, à la fin de 62 semaines, Les sept semaines étaient utilisées pour rebâtir la muraille et les temples. Oui, les bosseurs, les salles, les matifons, les ça a été fait sous Zorobabel. Mais à la fin de 62 semaines, le Messie sera l'étranger et il n'aura pas de successeur. Les plans de Dieu annoncent que le Messie n'aura pas de successeur. Mais qui est ce remplaçant du Messie? Il sort de l'abîme et doit les partir à l'abîme, dit la Bible. La bête que tu as vue, elle était et elle sera encore. Elle doit monter de l'abîme et retourner à l'abîme. L'Apocalypse 17 dit ça, n'est-ce pas? Assise ailleurs son trône dans une ville, aux sept collines. Avant du coup, la ville aux sept collines, c'est Rome, la ville de Rome. Elle est bâtie sur sept collines. Géographiquement, allez vérifier. Et Mumbawa est venu dans le Coloya. Les sept têtes sont aussi les sept montagnes sur lesquelles la bête est assise. Et on a vu sur les amis Penda, mais tous en moyenne. Vous Lui, il est là-bas. Il se fait appeler vicaire du Seigneur. Mais la manière de dire que c'est si ça sentit. Parce que tout y a pensé à pour moi, il fait le côté de ce pénal. Mais les gens clairs ici, le haut de ce combat. C'est les souverains éclairés. Et les animaux conscients en Mémisami. Les douces clairs ici. Douces clairs, oui. C'est les souverains éclairés. Et là, qui dit, mon conjoint, le guide éclairé. Oh, yo, mon candor, le souverain pontife. Mon conjoint président. Bon, le pape de l'homme. Pape de l'homme. Il est un douce clairé. Alors, lui, douce clairé. Mais quand Jésus reviendra, attends, oui, il prouvera et démontrera qu'il est le seul souverain éclairé. Non, il y a Zali, pendant mon conjoint, colon, et l'unique souverain éclairé, bon. C'est Jésus-Christ. Mon conjoint, mais le mon copain. Il va jusqu'à s'asseoir dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, et se proclamer lui-même Dieu. Et à Zali, pendant les lois, il y a un zambé, quand tu dis, mais c'est le colombé, mais tout près. Eh, les gens qui viennent dans la salle pour dire, mais. Ah, c'est pas le colombé, c'est le colombé. Rome MP. Rome dignité. Rome dignité. C'est un homme. C'est un homme. Et il est là-bas, il est à Rome là-bas. Vatican est une partie de Rome. Vatican est une partie de Rome. Bon, c'est le territoire de Rome. L'État du Vatican. Vatican. Voyez frère. Dieu nous aide à voir clair. Le souverain éclairé, c'est Jésus-Christ. Attendez qu'il revienne, non? Moi, c'est rien. L'Écriture a dit qu'il détruira le méchant par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Il va détruire le méchant. Il prouvera qui est le seul souverain éclairé. À côté, il s'appelle pour l'autre nain à Zalimo. Votre double ici, il ira mal. Vous pouvez rester un père, vous pouvez être souverain pontif, vous pouvez faire. Et Zalimino. Mais, qu'on a joya. Qu'on a joya. Amen. Priez la crainte de Dieu. Amen. Moi, je vais les craindre tous les jours de ma vie. Hein? Il a pris simplement la succession du trône des empereurs romains. Vous le savez, les empereurs romains portaient un titre honorifique. Latinus Rex Sacerdos. Latinus Rex Sacerdos. Le roi sacrificateur latin. Mokozinganga, latin. Donc un empereur romain était un chef dans le mystique. Mokozi. Et on le considérait comme un roi sacrificateur. Mais quand vous tirez la valeur numérique de ce titre, là, les empereurs romains païens. Vous voyez, elle, on a dit que c'est 50. Le tout mitan. Ah, et c'est pas de valeur. Ici, c'est pas de valeur. B ici, c'est fait. Mais on est dans mitan. C'est pas de valeur. Elle, pas de valeur. Et aussi pas de valeur. C'est comme il est écrit dans Apocalypse 13, que c'est lui, c'est ici la sagesse qui a de l'intelligence. C'est lui qui a la sagesse, calcule le nombre de la mer. Quand c'est 666 plus 1, 666. Vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Lui, il est successeur des rois sacrificateurs latins. Il est successeur des empereurs romains païens. Et la bête que tu as vue, elle est elle-même un huitième roi. Mais elle est du nombre de sept. Mais elle est huitième roi. Les rois passent. Il vit éternellement. Il occupe ses fonctions lui-même. Il est Dieu, il est tout. Personne ne peut le remplacer. Mais cette bête que tu as vue, elle est elle-même le huitième roi. Mais elle est du nombre de chefs. Comptez-les du côté des sept païens. Il est dans la situation des sept empereurs païens. Il est dans la vous devez reconnaître que c'est Jésus. C'est tout ce qui est faux. Est-ce qu'il y a des aigles dans la pauvre? C'est dire les choses. Jésus est le témoin fidèle et véritable. Son esprit rend témoignage de sa justice. Il est pour le faire tout le monde et pour assurer la justice. Sachez-le, les élus de Dieu n'échapperont pas, ils seront convaincus. Concernant la justice, l'Antichrist ne voit pas le flou ici. Montrez le Christ en vous. Attends, changez, va titre, alors tu vas titre à Sika. Quand la Isaïe, du cas de l'esprit, mais il y a quelques décennies, à Comati, Doux Clarisse. Le souverain est créé. Mon conseil est créé. Mais le Seigneur viendra prouver qui est le seul souverain. Mais le propriétaire du poste vient. Et tous ces mensonges vont sauter. Nous coutons nos secours pour moi. Et tous ceux qui ont crié seront réduits. Répentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Nous sommes au temps de la fin. Que Dieu bénisse ceci dans nos cœurs. Levons-nous pour la prière. Amen. Yes, on the zombie, yes, on the zombie, amen. Yes, on the zombie, yes, on the zombie, amen. Amen, hallelujah, oh Lord, amen. Zombie na beka moi, amen. Kambela beka mwa, kambela beka mwa, amen. Kambela beka mwa, kambela beka mwa, amen. Amen. Hallelujah. Oh, amen. Corona beka, amen. Corona beka, corona beka, amen. Corona beka, corona beka, amen. Amen, hallelujah, oh amen. Yo Nathan de Colo, amen. Nathan de Colo, Nathan de Colo, amen. Nathan de Colo, Nathan de Colo, amen. Amen. Hallelujah. Oh, amen. Batuna Golgotha. Amen. Pona Golgotha. Pona Golgotha. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, amen. Maintenant. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous approchons de ton trône au nom de Jésus-Christ pour sanctifier et bénir ton nom. Remercier pour le repas que tu as servi à nos âmes ce soir. L'évangile qui n'a failli pas. Amen. Nous sommes heureux que tu nous donnes la considération. Amen. À cause de ton nom que nous invoquons. Amen. De ton nom que nous portons. Ton nom que nous aimons. Ton nom pour lequel nous acceptons de souffrir. Donne gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Dans toutes les situations de la vie de chacun de nous. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Que ta souveraineté se confirme, Seigneur. Que tu sois les secours qui ne manquent jamais de l'électricité. Que tu te révèles comme étant ce témoin fidèle et véritable. Pour chaque élu du Seigneur. Chaque disciple, chaque racheté. Que nous puissions témoigner de ta puissance. De ta fidélité et de ta vérité. Que ta justice s'affirme et brille plus fort dans la vie de chacun de nous. Triomphe sur les injustices. Rends-nous plus que vainqueurs. Sur les conneries congolais. Sur les conneries religieuses. Toutes les histoires insensées. Les folies d'intégrité. Le plaisir vain, Seigneur. Parle-nous de tout ce qui est insensé. Nous voulons être à ton service. Les vases consacrés. Des enfants sages qui apprécient la correction de la parole, qui éloignent le mal de l'effort, qui haïsse le mal. Père Céleste, préserve chacun de nous les tout de suite. Amen. Et affermis chaque croyant. Pour qu'il soit un croyant modèle, exemplaire. Que sa foi soit salée. Pour amener le pécheur à la repentance. Pour reprocher le conscience intérieure. Et les soumettre à Dieu. Sois notre secours partout. Et soutiens notre témoignage. Fais chacun de nous le sel de la terre. Pour donner la saveur, la soif d'être chrétien aux autres. Et que notre amour soit sincère. Sans hypocrisie. Que nous puissions aimer ardemment les uns les autres. Pour que personne ne fasse du mal à son prochain. Mais que nous soyons fortement attachés au bien. Amen. Comme a dit ta parole, tel est le feu de nos cœurs. Pour vivre la parole. Et pour déplorer son nom. Car le prédit au monde est sorti. Et assistons-nous dans le programme de notre croix. Au nom de Jésus-Christ. Prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.